Pendant une quarantaine de jours, depuis l'inauguration du musée de la Révolution coréenne réaménagé, les militaires de l'armée populaire de Corée et plus d'une centaine de mille personnes, comme cadres, travailleurs, jeunes et étudiants de plus d'un millier d'unités d'activité, y compris le secrétariat du cabinet ministériel, le ministère de l'industrie électrique, l'université Kim Il-sung et le complexe thermoélectrique de Pyongyang l'ont visité. Parmi les visiteurs figurent aussi les membres du corps des attachés militaires et des ambassades de divers pays en Corée, les hôtes étrangers de divers pays comme Népal, Bangladesh, Italie et Égypte, les compatriotes coréens d'outre-mer comme les membres de la délégation des permanents de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon.